ils sont partis sans crier gare avec leur monde. Et à plus tard, nos frères gitans de Saint-Ouen. Elles sont parties à tire-d'aile sans retour. Les hirondelles à Paris n'en avaient plus besoin. Flot de béton et de bêtises, faut des drugstores et du striptease, des buildings et des souterrains, et de Boulogne et de Vincennes et des quais fleuris de la Seine. Bientôt il ne restera rien. Mais ce jour-là, ma tourterelle, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman, malgré les planches et puis la terre, on se blottira comme on sait le faire. Nous deux, malgré la terre et puis les planches, on se câlinera comme le dimanche quand on va pas au cinéma. Nous deux, et qu'après on se retrouve en rêve, fascinés comme Adam et Ève, et tout fiers d'avoir trouvé ça. Nous deux. Tu vois, c'est écrit à la une, on se dispute déjà la lune, enfant de demain, innocent. Un général sur les planètes vous suivra de loin à la lunette et dira « C'est rouge de sang !» Attends, jongler avec la bombe, un jour faudra bien qu'elle tombe. C'est son but et c'est notre lot. Il faudra bien que ce jour vienne, adieu Paris et adieu Vienne, adieu Rome et Monte Carlo. Mais ce jour-là, ma tourterelle, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman, que tout se glace ou que tout flambe, ça fait rien si l'on est ensemble. Nous deux, que tout flambe ou que tout se glace, nous aurons déjà notre place dans la légende des amants. Nous deux, alors quand sonnera la planète, si jamais sonnent les trompettes, on s'en foutra divinement. Nous deux. Les gens vont me traiter d'artiste, de sans-cœur, et si j'en suis triste, je n'en serai pas étonné. Car ce cœur pitoyable et tendre à toi seul, qui suis le prendre depuis longtemps, je l'ai donné. Comme aujourd'hui, je te donne cette chanson de fin d'automne qui se voulait chanson d'amour. Je ne suis ni saint ni apôtre, et pour penser encore aux autres, il me reste si peu de jours. En attendant, ma tourterelle, ma fille à moi, ma toute belle, ma frangine d'amour, ma maman, puisque nos âmes vagabondent, allons faire le tour du monde. Nous deux, puisque vagabondent nos âmes, embrassons-nous tout près des lames de l'océan des mauvais jours. Nous deux, et puis à nos amours fidèles, au cœur des neiges éternelles, allons-nous perdre pour toujours. Nous deux.